L'Unisson de Georges Duruy, première partie, chapitre 1er, 2 mai 1884. Aujourd'hui même, j'ai 25 ans. 25 ans. Le tiers de ma vie si je dois vivre très vieux. Beaucoup plus de la moitié si je n'ai droit qu'à la moyenne. Après tout, que m'importe. Mon père est mort. Je n'ai ni frère ni sœur. Depuis 6 ans que ma mère est veuve, je vis avec elle dans ce château isolé qu'elle a pris en affection. Sans doute parce qu'une sorte de pacte secret s'est fait entre sa tristesse et celle de notre vieille demeure. Sauf le curé de Mainville, qui est devenu tout à fait notre ami, nous ne voyons presque personne. À peine échangeons-nous chaque été quelques visites avec nos voisins de Villeneuve-Saint-Georges, de Vigneux ou de Draveil. Je ne regrette point Paris, où nous n'avons même pas conservé de pied-à-terre. J'y vais de loin en loin, au concert ou au théâtre, et je reviens bien vite à ma chère campagne. Je monte à cheval, je chasse, je fais, toujours seul, de grandes courses dans la forêt de Sénart. Je m'y étends sur la mousse, afin de donner à mon instinct contemplatif la satisfaction d'interminables rêveries. Dans ce contact de tout mon corps avec la terre, il me semble parfois que mon être entier se mêle à la création, se fond comme un atome dans cette immensité, que, délivré de ma vie d'homme, inquiète et douloureuse, je participe obscurément à la vie impersonnelle du brin d'herbe et de l'arbre. Souvent aussi, je vais me promener avec un livre dans notre parc, perdu au milieu de la plaine comme un petit bois sacré. À la longue, j'ai fini par subir le charme de mélancolie qui est en lui. J'aime sa futaie centenaire, sa pièce d'eau ou vogue de cygne noir, ses statues de marbre rongées par la mousse. Je suis bien dans cette solitude pour lire et relire mes poètes et mes romanciers favoris, qui sont ceux dont l'âme, proche parente de la mienne, a le mieux senti l'amertume cachée au fond de tout. Je m'essaie aussi à écrire. J'ai fait de la prose et des vers, de la critique, du théâtre, du roman. Mais après la courte fièvre des heures d'inspiration et de foi en moi-même, le découragement de me sentir inégal à mon rêve paralyse mes forces. Et j'abandonne la page commencée en me disant « À quoi bon la finir ? Est-ce que l'œuvre littéraire n'est pas aussi vaine que le reste ?» Comme à la littérature, je me suis essayé à l'amour. L'initiation que m'ont donné de jeunes paysannes ou des grisettes du quartier latin ne me permet pas de tenir en très haute estime ce sentiment surfait. Je n'aime au monde que ma mère, la plus tendre, la plus adorable des mères qui souffre de mon désœuvrement, de ma mélancolie, et qui croit fermement que pour m'en guérir, il suffirait que je me décidasse à prendre femme. Voilà bien une idée de mère. De curé aussi, apparemment. Cet original d'abbé Papillon ne s'est-il pas, comme elle, mis en tête de me marier? Je sais bien avec qui. Avec cette demoiselle, le couturier, qui passait chaque jour, l'été dernier, devant la grille en conduisant elle-même son panier, attelé d'un petit cheval noir. Elle n'était pas désagréable à regarder. Elle avait l'air spirituel et hardi, une jolie taille d'Amazone. J'allais quelquefois m'asseoir sur le bord de la route, à l'heure où je savais qu'elle revenait de sa promenade. Cela m'occupait un instant d'attendre son retour, de la voir arriver de loin, passer, disparaître au tournant du chemin de Draveil. Que ne fait-on pas pour se distraire quand on s'ennuie? Me marier, vivre avec une femme que j'aimerais, comme j'ai vu mon père vivre avec ma mère, dans cette union profonde, dans cette parfaite harmonie des deux âmes qui n'a pas cessé depuis lors de me paraître la condition même de la vie conjugale. Bah. Qu'on me laisse en paix. Je suis un inutile, un pauvre être qui voit triste. Je ne me marierai ni avec celle-ci, ni avec une autre. 3 mai. Continuons donc, puisque l'idée m'est venue de le commencer, ce journal de ma vie intime. J'y trouverai bien chaque jour l'emploi de quelques minutes, les heures sont si longues. Comme je rêvassais dans le parc, sur le banc de gazon, au pied de la statue sans tête, j'aime à la folie ce sylvain dansant du siècle dernier, qui jette la jambe en avant et porte, d'un geste gracieux, une flûte à ses lèvres absentes. Jean m'a dit « Madame la baronne fait demander à Monsieur Raymond si monsieur ne va pas faire un tour à cheval. »« Mais si, mon bon Jean. C'est le sultan. Je viens. » Je suis allé dire adieu à ma mère. Elle était assise près de la fenêtre du salon, ses pauvres petites mains maigres allongées sur les bras du fauteuil, où elle passe sa vie à regarder en rêvant dans le parc des images invisibles à d'autres yeux que les siens, de chères images qui lui rappellent les années heureuses. Depuis qu'elle est veuve, son corps a en quelque sorte fondu. Il est devenu si fluet, si frêle, qu'il semble se perdre dans la robe de deuil qu'elle n'a point voulu quitter. En fait, elle se nourrit avec rien, un œuf, un biscuit trempé dans du vin. La douleur a comme spiritualité son être. Toute la vie s'est réfugiée dans les yeux noirs, superbes de limpidité. Avec le large nœud de velours posé à plat sur le haut de sa tête, les bandes lisses qui descendent bas sur son front, la blancheur monastique de son visage, elle donne assez bien l'idée d'un portrait de religieuse par Philippe de Champaigne. Je ne sais quoi de tranquille, d'apaisé. Le rayonnement d'une âme inconsolable mais sereine baigne ses traits, comme ceux de certaines sœurs de charité. Voilà ce qui reste de celle que l'on appelait encore il y a 15 ans la belle générale Blachère. Et je me prends à songer quelquefois, en la regardant, que les forces humaines, bornées pour le bonheur, sont infinies pour la souffrance. Triste, triste. J'écrirai un livre dont l'épigraphe sera « Omnis creatura ingemiscit ». Maman a voulu me voir partir. Elle m'a conduit jusqu'à l'écurie en s'appuyant d'une main sur mon bras, de l'autre sur sa canne. « Quel Hercule tu es ? » disait-elle, « mon enfant. Ton père aussi était beau, grand et fort. Vois donc quelle petite bonne femme je fais à côté de toi. C'est un cercueil de poupée qu'il faudra que tu me donnes quand je mourrai. » Au moment où je me mettais en selle, de l'autre côté de la grille, un panier attelé d'un petit cheval noir a passé sur la route de Corbeil, et j'ai reconnu dans la jeune fille qui tenait les guides, Mademoiselle Le Couturier. Comment se fait-il qu'elle soit venue de si bonne heure, cette année, à la campagne? Le soir, en dînant, j'ai parlé des Le Couturier à ma mère, qui m'a paru en savoir plus long que je ne m'y attendais sur cette famille. Sans doute, elle aura parlé d'eux avec l'abbé, qui est leur ami comme le nôtre. Il paraît que le père et la mère vivent en assez mauvaise intelligence. Monsieur Le Couturier est un ingénieur qui a fait une grosse fortune à l'étranger, dans je ne sais quelle entreprise de phare et de chemin de fer. On dit sa femme très mondaine et fort entichée de noblesse. Leur fille a 21 ans. Elle se nomme Claire. C'est un assez joli nom. Aujourd'hui, sa figure était enveloppée d'un long voile de gaze bleue, qui estompait ses traits comme d'une ombre légère, et leur donnait quelque chose de vaporeux, où semblait se noyer l'assurance de son regard. Au fait, que n'importe qu'elle mette un voile de gaze bleue et regarde insolemment les gens,